17h sur Fadjet, 23e heure de live pour ces 40 heures, 40 ans de Radio Fadjet. Et justement, aujourd'hui, sur ce créneau de 18h à 19h, nous allons retracer un petit peu l'histoire de la radio avec des voix et des figures emblématiques de Radio Fadjet. Hélène Boulanger, pour commencer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, re-bienvenue à Radio Fadjet. Vous avez fait partie de l'histoire de Fadjet, on va en parler avec vous, de vos bons souvenirs, de ce que Fadjet vous a apporté. Aujourd'hui, présidente de l'Université de Lorraine, on pourra aussi parler du lien entre Radio Fadjet et l'Université de Lorraine. Également, Christophe Chevardet, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pareil, une histoire avec Fadjet qui est aussi longue que l'histoire de Fadjet elle-même, finalement. Presque, mais pas tout à fait quand même. Ah, presque, mais si. Ah, presque quand même, hein, presque, presque. Et également, Pierre Maffeis, bonjour. Bonjour, Valentin. Président du Jardin du Michel, un festival avec lequel on aime travailler à Radio Fadjet. On va aussi parler de cette belle histoire, de cette belle collaboration entre le festival et les radios associatives, et tout particulièrement Radio Fadjet. Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de partager ce bel anniversaire. 40 ans de Fadjet. Pour vous, Fadjet, ça représente quoi? Ça a représenté quoi? J'ai envie de commencer avec vous, Christophe Chevardet. Pour vous, Fadjet, ça évoque quoi aujourd'hui? Ma première émission de radio. Ah, ça représente quoi pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui ou même sur l'histoire de Fadjet? Sur aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente un outil extraordinaire pour donner un lieu d'expression plus spécifique pour les jeunes. Je crois que c'est quand même l'ADN de la radio, et ça l'est toujours. C'est toujours un lieu extraordinaire de brassage de la jeunesse, et ça se voit à travers toutes les expériences menées actuellement dans tous les champs, la culture, la santé, la solidarité. Il y a plein de jeunes qui sont en mouvement, et ils le sont grâce à Fadjet. Et Fadjet leur donne la capacité d'être en mouvement et d'être un lieu d'expression. Donc ça, je crois que cet ADN-là, 40 ans plus tard, elle vit toujours et plus que jamais, avec, elle a su se renouveler, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ce projet a su s'adapter à son temps et a su offrir toujours à la jeunesse un lieu pour pouvoir vivre ensemble, pour apprendre à vivre ensemble, et pour pouvoir aussi se donner à entendre un petit peu. Donc, mission toujours tenue, et ça, j'avoue, ça m'impressionne. Une mission qui date depuis 40 ans et qui, on l'espère, va continuer encore au moins 40 ans, si ce n'est plus. Hélène Boulanger, pour vous, Fadjet, qu'est-ce que ça évoque? Alors pour moi, c'est un formidable espace de brassage. Quand je parle de brassage, je ne parle pas de bière. Hein, soyons clairs. On a déjà un peu parlé dans le créneau de la nuit du brassage de la bière. Après, je n'ai pas pu écouter cette nuit, mais je ne voulais pas parler de bière. Mais un espace de rencontre, hein, qui est riche d'une diversité formidable. En fait, venir à Fadjet, c'est avoir l'opportunité de croiser des gens qui viennent d'horizons très variés, qui sont extrêmement bienveillants les uns avec les autres. C'est rafraîchissant, ça redonne confiance dans l'humanité, ça redonne même l'amour, quand on peut l'avoir parfois un petit peu perdu, l'amour des autres et le plaisir qu'on a à se retrouver, à se découvrir mutuellement. Et cet espace-là, c'est ce qui permet la réalisation de ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle de la radio auprès de la jeunesse, le fait d'utiliser le langage, l'expression radiophonique, pour donner une nouvelle trajectoire, de nouvelles perspectives à notre jeunesse. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors, merci pour ce beau témoignage. Pierre, pareil, un peu même question. Alors vous, votre rapport avec Fadjet est un petit peu différent, mais oui. Ça vous évoque quoi, Fadjet? Comme ça, en premier lieu, ça m'évoque tout de suite la radio du Michel. Forcément. Qui est vraiment l'expression qui rejoint Radio Fadjet et nos ambitions de réunir, de communiquer, de partager. Et je pense que voilà, c'est des beaux projets, la radio du Michel. On est très attachés à ce projet-là. Et c'est clairement l'idée de Fadjet. Justement, vous parlez de brassage, de rencontre, de donner la parole. Et finalement, c'est ce projet qui est à Fadjet se retrouve aussi dans la radio du Michel, avec 6 radios associatives qui collaborent pendant toute la durée du festival. Et où là aussi, c'est un temps d'échange et un temps de rencontre. Ah oui, totalement. Oui, c'est même, j'ai envie de dire, un parallèle au festival où où les radios travaillent ensemble sur la thématique du festival, rencontrent les artistes, rencontrent les acteurs du festival, les bénévoles ou bah, ceux qui sont peut-être un peu plus impliqués toute l'année, tels que moi, dans le festival. Et c'est vraiment toute une atmosphère qui est en parallèle du festival, mais qui en fait aujourd'hui, depuis de nombreuses années, qui fait partie du festival. Un rendez-vous incontournable du Exactement. Festival. Et on le sait, les campeurs aiment bien nous écouter aussi en journée, évidemment. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de Fadjet, puisqu'on est dans ces 40 heures pour l'anniversaire. Christophe Chevardet, on l'a dit, vous êtes quelqu'un qui est très lié à l'histoire de Fadjet. C'est quoi, vous, votre histoire par rapport à Fadjet et un peu à la création de ce projet aussi? Alors, je vais faire un peu le lien avec ce que tu viens de dire, Pierre. J'étais président jusqu'à peu de RCN, Radio Caraïbes Nancy, et tu évoquais cette diversité de la radio qui en fait toute la citoyenneté. Je crois que à travers ce que tu dis du rôle des radios associatives dans ce festival, il y a un enjeu de citoyenneté. Pour répondre à ta question, Valentin, eh bien, je crois que j'avais la première fois, j'avais 8 ans, la première fois que j'ai participé à une émission, ça s'appelait encore pas Fadjet, ça s'appelait RA, Radio RA, il fallait quand même, ça s'appelait Radio Aumônerie Technique, donc ça voulait dire, et j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais plus, quelque chose comme ça, et on me demandait parce que je préparais ma communion, donc voilà, et on me demandait pourquoi vous voulez communier, je lui dis, pour pouvoir m'impliquer plus dans la société. Alors c'était peut-être pas tout à fait la bonne réponse pour la communion, mais ça fait le lien avec la citoyenneté. Je crois que et Radio RA, donc c'est l'histoire de Fadjet, c'était avant Fadjet, voilà. C'était au 63 rue des Ponts à Nancy, puis ça a été transféré donc au 49 rue Charles III, au fin fond de la cour, derrière l'église Saint-Nicolas. Les bâtiments n'existent plus. Et donc là, bah oui, effectivement, c'était autour de l'aumônerie des lycées techniques, donc c'est devenu fréquence aumônerie des jeunes de l'enseignement technique, Fadjet. Et donc là, je me suis investi. Alors moi, j'étais au lycée classique, comme on disait à l'époque, mais je participer aux émissions de radio par la suite à Fadjet. Donc là, j'étais en tant qu'animateur. Si on me retrouve un vieux Eye of a Tiger, eh bien, je pense que je peux me remettre à vous dire bienvenue pour le match interlycée. Interlycée, c'est une rencontre de deux lycées de l'agglomération Nancy qui vont s'affronter deux équipes autour de questions de sport, d'actualité, de politique. Et c'était le duel interlycée. Et c'était Eye of the Tiger générique. Voilà, ça, c'était quand j'avais. C'était mes deux secondes, en fait. La première seconde, c'était la radio à fond, quoi. Donc du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je refasse une deuxième seconde. Donc ma première seconde, je l'ai faite beaucoup à Fadjet. Voilà. Effectivement, un beau souvenir. Et puis après, c'est une histoire qui a continué aussi sur un temps plus long. Alors après, oui, alors bien en plus, alors j'ai continué The Tiger, après je suis allé faire un petit peu de radio aussi à RCF, je crois, j'ai fait une émission de radio à RCF. C'était plus tard. Après, oui, alors j'ai fait beaucoup j'ai participé beaucoup à l'activité, parce que Fadjet était plus qu'une radio, déjà, et il y avait une vie associative assez forte, il y avait des sondages autour de la jeunesse, l'aumônerie proposait. Entendons-nous bien, là, je parle de trucs catho, mais c'était pas de la bondieuserie. C'était un lieu où on s'interrogeait sur la société. Avec un prêtre qui était là, qui était Guy Lescane, qui est toujours là d'ailleurs, qui est sociologue, et qui nous invitait à nous interroger sur la société, qui nous invitait à nous interroger sur mais à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin voilà, et il y avait tout un tas d'interrogations sur l'engagement. L'engagement au sens large. C'était ça, et c'est ça qui m'a donné la patate de Fadjet, et je l'ai toujours, et je dis. J'y crois toujours, et toujours là, fidèle, et toujours fidèle à défendre le sens de Fadjet qui est là. Et donc, et puis après, oui, j'ai été aussi président de Fadjet de 1900, donc on recherche avec Hélène, on se trompe pas, 2005 jusqu'à fin 2010, et après, début 2011, c'est Hélène qui a pris la suite. Eh bien, justement, transition toute naturelle, parlons donc eh bien, un peu de votre époque à Fadjet, Hélène Boulanger, donc aujourd'hui présidente de l'Université de Lorraine, mais donc en 2011, présidente de Radio Fadjet. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu votre aventure à Fadjet? Alors, l'aventure, je la dois à Christophe Chevardet, hein. C'est lui qui m'a plongé dans le bain de Fadjet, hein, qui m'a partager son enthousiasme, qui m'a convaincue du projet. Et puis, c'était à une époque où j'avais une charge de travail qui était je la qualifiais de normale, et l'engagement associatif était très important pour moi. Ça, enfin, jusqu'à la fin de ma présidence de Fadjet, en fait, j'ai toujours eu des engagements associatifs très forts, parce que je considérais que le travail qui était le mien risquait de m'enfermer un petit peu dans un univers particulier. Et donc participer à des associations, enfin être active dans des associations, ça, voilà, ça m'ouvrait des horizons, ça me faisait rencontrer des gens très différents. Et puis le vraiment coup de foudre pour le projet de Fadjet, parce que j'ai une âme d'enseignante aussi. Donc le fait de tendre des perches, d'ouvrir des possibilités, de construire un espace qui est un espace d'accueil dans lequel les gens peuvent bien se sentir et aller et se révéler petit à petit au rythme qui est le leur, avec les envies qui sont les leurs. Enfin, vous connaissez la programmation de Fadjet, hein, c'est quand même extrêmement varié. Ça va du hard rock, que je considère personnellement comme étant la limite de l'écoutage, jusqu'à des choses qui me ressemblent un peu plus. Bon, c'est vraiment très, très, très, très, très, très varié. Et toute cette variété, ben, elle trouve à s'exprimer sur une grille qui est extrêmement riche. Et contribuer à ça, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, en fait, c'est juste magique. Un beau projet. Bon, je ne peux pas en dire autant que Christophe sur l'histoire, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Je n'ai pas forcément les mêmes références, mais voilà. J'adore. Christophe, justement, je vous laisse réagir. Je peux poser une question à Hélène. Je me souviens quand t'es appelé à venir à la radio, tu étais prof spécialisé de l'économie des médias. Oui. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir ton regard sur l'économie d'un média comme celui de Fadjet. Est-ce que je peux te poser la question, quel est le sens de l'économie du média Fadjet? Alors, ça c'est alors effectivement, c'est pour cette raison-là que tu m'avais sollicité au départ, parce qu'on était à un moment qui était un moment où on percevait une forme de bascule. Libéralisation de l'audiovisuel au début des années 80, naissance, explosion du nombre des radios libres, diversification des chaînes de télévision, multiplication des médias sous toutes leurs formes diverses et variées, développement d'Internet, il y a quelque chose qui était en train de se passer. Et quelque chose qui était en train de se passer, c'était une modification des usages de la radio d'une génération à l'autre. On voyait que la radio était en train un petit peu de diminuer, c'était plus forcément le média, on voyait que les usages dans la voiture commençaient à baisser. Il y avait un certain nombre de choses qui se transformaient. Et donc, on avait beaucoup de questions à l'époque sur est-ce qu'il va rester des journaux de presse écrite, est-ce qu'il va rester de la radio, est-ce qu'il va rester de la télévision, enfin, comment tout ça va se transformer et quelle est la place de Fadjet dans tout ça, en quoi ça peut potentiellement modifier le projet. Et donc, c'est le moment auquel le logo actuel date de cette époque-là, qui est pas très lointaine, hein, c'est juste avant la naissance de l'Université de Lorraine, c'est 2011. Le nouveau logo a été créé à cette époque et on a accentué beaucoup la diversification des canaux par lesquels on distribue les contenus, c'était en réponse à ça. Et puis on s'est assez vite rassuré sur le fait que la radio reste quelque chose de magique, de facilement accessible, quel que soit le format, en direct ou alors via les podcasts. C'est juste magique. Et ces questions, justement, de 2011, elles sont encore actuelles, finalement. Aujourd'hui, on se pose aussi ces questions. Et est-ce que, j'ai envie de dire, quelques années plus tard, 14 ans plus tard, Fadjet a su garder cet esprit tout en se renouvelant, selon vous? Pour moi, oui, très clairement. Je vais pas faire ici de petits couplets politiques parce que je suis pas venu pour ça. Mais j'ai quand même un sujet sur le financement des radios associatives et de cette capacité d'accès à l'expression de personnes qui en seraient privées autrement. Hein. Une forme d'expression qui est très particulière. Hein. C'est pas comme s'exprimer sur un réseau social ou tourner une vidéo dans sa cuisine. C'est un endroit dans lequel tous ensemble, on construit des contenus, on les partage avec les autres. C'est quand même assez particulier. Ça n'a rien à voir avec TikTok, rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer comme autre mécanisme d'expression. Et ça, que les pouvoirs politiques, où qu'ils soient, au niveau national ou au niveau local, il faut absolument les sensibiliser à ça et les inciter en fait à consolider le modèle économique de ce type de structure qui ne coûte pas très cher, mais qui fait des miracles au quotidien et qui change la vie des gens. Et moi, je connais pas de politique publique autre que celle du soutien aux radios associatives qui change autant la vie des personnes avec finalement si peu d'investissement. Effectivement. Alors bon, il y a du passage aérien à côté des studios de Fadjet. Évidemment, ils viennent aussi fêter les 40 ans avec nous. Merci en tout cas pour ce beau message de soutien, effectivement, à l'histoire de Fadjet qui essaye de garder ce projet. Christophe Chevardet, vous en parliez aussi, que finalement, en 40 ans, le projet a évolué tout en essayant de garder son ADN d'origine. Oui, et alors pour poursuivre aussi la réflexion, je vais y aller, politique d'Hélène, je crois que le média radio associatif a une spécificité unique et l'arrivée des réseaux sociaux n'a rien enlevé de sa pertinence et comme tu l'as dit Hélène, c'est un lieu de brassage et il n'y a que ces lieux-là, qui sont des lieux de brassage gratuits, accessibles à tous, alors que les réseaux sociaux ne sont pas forcément si accessibles à tous, et les algorithmes nous empêchent souvent d'aller à la rencontre de la différence. Et donc, l'enjeu politique d'une radio associative est important. Et là où je réponds à votre question, Valentin, c'est de dire, oui, Fadjet, comme beaucoup de radios associatives, ont basculé pour rejoindre aussi les réseaux sociaux, pour apporter du son, mais aussi, c'est indispensable, de l'image. Ici, on a une caméra, bien sûr, quand on est au Jardin de Michel, on amène un plateau télé aussi pour retransmettre, pour capter l'attention. Et politiquement, tu le disais, Hélène, ça ne coûte pas cher pour la qualité. Alors, on me dit souvent, quand j'étais président de Fadjet, ou quand je suis président de RCN, on me demandait, mais combien en audimat ? Très faible l'audimat par rapport aux radios, aux grandes radios commerciales. Très faible. Mais c'est pas notre capacité à réunir beaucoup de publics qui écoutent, c'est notre capacité à mettre des gens autour d'une table pour débattre et se faire entendre. Et ça, on est bien plus fort que tout le monde. Donc ça, c'est cet argent-là qu'il faut valoriser, c'est cet argent public dont on a besoin, et pour aller plus loin, parce qu'effectivement, on est soutenu par l'État, et moi je tiens à le dire, hein, l'État a toujours plutôt bien joué le jeu pour les radios associatives, via le fonds de soutien à l'expression radio associative, c'est pas rien, ils nous soutiennent, et après, les préfectures, avec leur politique publique, viennent nous apporter aussi des aides, et les collectivités territoriales aussi. Donc, je trouve, on n'est pas les enfants oubliés. Par contre, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde en ce moment d'avoir de l'argent public. Donc moi je propose, mais comme ça a été créé au début des radios associatives, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est une taxe qui est prise sur la télé, la publicité commerciale, la publicité sur les télévisions. La publicité sur les télévisions, il y a une petite taxe qui sert à financer les radios associatives. Ben, je trouve ça très bien. C'est un juste retour pour une économie qui a du sens, une économie citoyenne. Pas de problème. Je propose que, parce que pour les télés aussi, ça devient un peu plus dur aussi aujourd'hui parce que la segmentation des médias est là. Je propose que toutes ces plateformes qui se prennent plein de fric sur les plateformes électroniques. Je veux pas citer de marque, donc c'est pour ça que je tourne un peu en rond. Hélène, tu peux m'aider. Mais toutes ces plateformes électroniques de diffusion de contenu puissent. Je dirais pas plutôt numérique. Plateforme numérique. Non mais toutes ces plateformes numériques et qui ont plein de recettes, on leur prend une toute petite taxe qu'on puisse apporter aux radios associatives pour faire vivre. Et toute petite taxe, il ne faut pas grand chose pour que ça vienne apporter 20 000 à 30 000 euros de plus dans une radio associative. 30 000 euros dans une radio associative et 35 000 euros dans une radio associative, ça fait un emploi. Hein, ça fait un emploi. Et avec un emploi dans une radio associative, on fait du job. On fait un sacré job et on fait un job de qualité. Parce que derrière un emploi salarié, on a une multitude d'emplois bénévoles. Et on arrive encore à avoir du bénévolat en radio. C'est ça la réalité de l'économie d'une radio associative. Donc, militant, il faut, on peut pas demander toujours plus. Moi, je propose qu'on élargisse l'assiette. Eh bien, merci en tout cas pour cette proposition. Peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui pourront porter ce projet. Nous avions Estelle Mercier avec nous hier. Peut-être qu'elle est encore à l'écoute de Fadjet et qu'elle portera peut-être cette proposition. Pourquoi pas, effectivement. Fais attention à ton hypertension. Oui, maman Hélène. Mais c'est beau parce que finalement, on sent encore aujourd'hui cette passion pour les radios associatives. 40 ans après, finalement, cette découverte. 40 ans après ce début d'histoire de Fadjet, on sent encore cette vraie passion et cette vraie envie de porter les radios associatives le plus loin possible. Je vous ramène quand même à la fin des années 70, tout début des années 80. C'est des radios en nombre extrêmement réduit, contrôlées par l'État presque, enfin exclusivement en France, sauf RTL qu'on pouvait écouter, qui retransmettait de l'autre côté de la frontière. Très peu de télévision, une presse encore diversifiée, mais pas d'internet, pas de téléphone portable non plus, pas de smartphone, pas ce genre de choses. Voilà cet univers-là. C'est si on vivait. Une pression de libéralisation en fait de l'audiovisuel et plus largement de l'accès à l'expression. Enfin, des gens qui faisaient des émissions de radio dans leur baignoire pendant plusieurs années, étant poursuivis par des voitures de radiodétection de la préfecture qui essayaient de les localiser. Et donc cet élan de la radio associative, c'est l'élan de l'expression, et c'est une élan d'expression qui n'est pas individuelle, elle est collective. Et cette expression collective, elle est fondamentale. Et c'est ce que Christophe rappelait. Ces dispositifs-là ne peuvent pas survivre tout seuls. Il faut qu'ils soient portés par la volonté publique de donner une expression possible, collective, à des citoyens et des citoyennes qui en ont besoin ou qui en ont envie. Et on l'a vu il y a quelques mois de cela, lorsque les radios associatives ont été menacées, notamment à cause d'une réforme sur le fameux FSER, donc le Fonds de Solidarité à l'Expression Radiophonique, qui allait impacter grandement les radios associatives. Les radios se sont mobilisées, se sont associées, ont prévenu les députés, et tout de suite les députés ont aussi accepté de jouer le jeu. Vous le disiez, finalement les radios associatives sont plutôt bien soutenues en France, et on en a eu encore la preuve il y a quelques mois. Est-ce que vous, qui avait fait partie justement de ce milieu des radios associatives et qui continue de graviter autour, vous avez été touché aussi par cet élan de soutien politique? Oui, tout à fait, oui. Plus généralement, j'ai un sujet sur le soutien au public, aux médias, les aides à la presse. Enfin, c'est tout un écosystème en fait, hein, qui est un petit peu bousculé depuis deux ou trois décennies, auquel il faut prêter extrêmement attention. Enfin, on n'a pas besoin de faire de démonstration sur la question. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que les démocraties prenaient de grandes baffes un peu partout dans le monde. La question de l'expression, de la qualité de l'expression, la question de l'engagement citoyen, forcément, ce sont des objets qui sont devenus centraux aujourd'hui. Et ce sont des objets dont la puissance publique ne peut pas s'éloigner ou s'écarter. Il faut continuer à investir dans ce domaine-là. Il faut continuer à soutenir l'engagement citoyen. Il faut continuer à soutenir des modalités d'expression qui sont des modalités d'expression de qualité et qui naissent d'une dynamique collective. C'est un enjeu vital pour moi. Eh bien, on espère en tout cas que les radios vont continuer, en tout cas les radios associatives vont continuer d'être soutenues par les forces publiques et continuer à vivre encore longtemps. Avant de faire une petite pause musicale, Hélène Boulanger, j'ai encore un peu quelques questions pour vous, mais cette fois-ci plus par rapport au prisme de votre poste actuel, présidente de l'Université de Lorraine. On le sent encore, donc, la jeunesse, l'enseignement au cœur des projets que vous portez, et un partenariat aussi avec Fadjet, puisque sur Fadjet, on essaye aussi de pouvoir donner la parole aux étudiants. Vous, aujourd'hui, en tant que présidente, comment vous le voyez, ce projet de continuer à donner la parole aux étudiants sur Fadjet, notamment dans l'émission Menu étudiant, mais pas que? Alors, pour les étudiants, il y a le facteur de réussite principal pour moi, c'est le fait de ne pas être isolé socialement. De participer à des associations, alors selon les appétences des étudiants, tout le monde n'a pas envie de faire de la radio pour diverses raisons, tout le monde n'est pas attiré par ça, on peut être attiré par plein de choses, mais cet espace-là, pour les étudiants qui choisissent de s'y investir, c'est un espace qui devient un facteur de réussite, qui devient un facteur d'accompagnement, de socialisation. Enfin, moi, je pourrais vous parler de mes années d'études, d'années où parfois j'ai eu l'impression que je disais seulement bonjour à la dame à l'entrée de la bibliothèque tous les matins. On se désocialise assez rapidement quand on est très investi dans ses études, et ces espaces d'échange, de co-construction avec des camarades sont vraiment fondamentaux. À Fadjet, il y a des étudiants qui s'engagent dans des émissions. Il y a des stagiaires qui sont accueillis, on a des projets d'émissions qui concernent nos campus, donc forcément plus le tissu associatif est dense autour de l'université, plus ces espaces-là qui sont vitaux pour les étudiants sont riches. et on parlera effectivement de ce tissu associatif dans quelques minutes, juste après un hommage. Voilà, puisqu'on en a parlé tout à l'heure de Survivor, Eye of a Tiger, je vous propose juste avant un petit voyage dans le temps avec un petit jingle de 1990, et vous allez voir que les jingles ont bien évolué depuis. On se retrouve juste après. Je vais couper les micros pendant la musique, je crois. Si vous êtes plutôt funky, heavy, metal, jazzy, country, classique, rap, hip hop, psyché, reggae, pop, rock, techno, dance, lassi, new jack, vous avez toujours une bonne raison d'écouter Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est Interlycée. Il n'a pas perdu la main, c'est beau. Passion. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Fadjet pour ces 40 heures de direct en plein cœur de la 23e heure. Nous sommes toujours eh bien, en belle compagnie autour de la table. Hélène Boulanger, Christophe Chevardet, ancien président et présidente de Radio Fadjet. Et pour Hélène Boulanger, actuelle présidente de l'Université de Lorraine. Pierre Maffeis, actuel président du Jardin du Michel, avec nous également. Et nous a rejoint autour de la table Lynn Parent-Balteau de la Mège. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous généralement, rejoindre. Généralement, moi, je dis bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un peu décalé dans les heures. Je me suis couché, il était 7 heures. Je me suis levé, il était 15 heures. Je suis un petit peu décalé dans ma journée, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que bonsoir, bonjour. En tout cas, on va parler dans cette seconde partie d'émission un petit peu aussi de l'importance du tissu associatif et des partenaires de Radio Fadjet. On a commencé un petit peu à en parler avec l'Université de Lorraine. J'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur le volet culturel de Radio Fadjet avec ses liens du Jardin du Michel, un beau partenariat qui dure depuis plusieurs années maintenant. Pierre Maffeis, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah bah, la Radio du Michel, c'est une radio donc associative qui exerce pendant le festival. Alors avec, je suis toujours impressionné par tout le matériel qui débarque sur le festival. On a notre propre antenne relais où on diffuse sur les ondes, on diffuse en direct aussi sur les différentes plateformes numériques des différentes radios. Et du coup, va nous accompagner pendant tout le festival, des interviews de nos campeurs, de nos festivaliers, des artistes. Je suis aussi toujours impressionné de voir à quel point la radio du Michel dégage un enthousiasme pour les artistes. Et je crois que bah, c'était il y a 2 ans, hein. Pratiquement tous les artistes étaient passés au micro de la radio du Michel. Donc ce qui montre aussi tout cet engouement dans le travail ensemble, dans le fait de construire des choses ensemble, ça rejoint un peu tout le discours sur l'associatif. On parlait de la radio associative, mais finalement le monde associatif au sens large. Ensemble on peut faire beaucoup de choses, plus que si on était tout seul en fait. Et du coup, c'est vrai que cette collaboration avec Fadjet et Jardin du Michel, ben ça fait plaisir à tout le monde, notamment cette année. Cette année, on n'a pas pu faire le festival. S'il y a bien une chose qui a pu se réaliser pendant le festival cette année, ben c'est la radio du Michel. Et typiquement, ça fait plusieurs fois que j'en parle, les équipes étaient le moral dans les chaussures. Et forcément, annuler un festival le matin même, c'est pas évident. Mais la radio du Michel a vraiment encore plus joué son jeu cette année, parce que bah voilà, elle a dynamisé, elle a laissé vraiment une belle aura malgré qu'on était dans un contexte assez négatif. Et ça, c'est vraiment la puissance de la collaboration entre les gens. On arrive à faire des grandes choses. Oui, pour le rappeler, donc la radio du Michel, qui effectivement sur cette édition annulée en 2024, malheureusement, a quand même pu faire 2 heures de live direct diffusé sur toutes les radios partenaires. Et on a quand même eu la chance aussi de pouvoir voir quelques artistes qui étaient quand même présents et qui ont pu faire quelques morceaux en live. Je pense notamment à Allium qui a pu nous faire 2 morceaux en live. On en discutait justement hier avec des bénévoles qui ont participé à cette édition de la radio du Michel et qui en gardent un souvenir assez incroyable aussi. On parlait d'une forte émotion et qui avait été partagée par tous ceux qui a été intervenu dans ces 2 heures d'émission. Ah bah oui, oui, totalement. Moi le premier d'ailleurs, hein. Je suis passé au micro pendant la radio et c'était très émouvant. Mais en même temps, ça a fait du bien de partager, d'en parler ensemble. Ça rejoint vraiment tous les points qui étaient évoqués avant. Ça constitue. Moi je considère que le bénévolat, le fait de donner de soi. Sans rien attendre en retour, ça provoque un certain équilibre. Et moi, typiquement, dans ma personnalité, ça m'a construit, le fait d'avoir un engagement bénévole comme ça. Et finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve. Tous ceux qui ont cette fibre de vouloir contribuer à quelque chose, c'est comme ça que voilà, on monte des gros projets. Le Jardin du Michel, c'est quand même ce qu'on appelle une manifestation d'ampleur au niveau de la région. Et ça ne peut exister que par l'engagement de bénévoles. Oui, sans bénévoles, il n'y aurait pas de festival Jardin du Michel. C'est ce que j'allais dire. Finalement, on se retrouve un peu aussi dans ce principe de la radio où il y a quelques salariés qui vont faire le côté technique, faire en place, mais c'est grâce aux bénévoles que la radio vit. Et c'est pareil pour le festival du Jardin du Michel. Sans les bénévoles, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Ah non, clairement pas. C'est 20 bénévoles investis tout au long de l'année, ce qu'on appelle l'équipe festival. 10 bénévoles qui dirigent le festival, qu'on appelle, enfin, qui est un conseil d'administration. Et c'est 500 bénévoles pratiquement sur l'exploitation du festival. Donc, et donc, bien sûr, 80% qui sont sur un rayonnement très proche du festival. Donc c'est très territorial, c'est vraiment un investissement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, tous ceux qui contribuent à cet événement, qu'ils soient des bénévoles ou même des partenaires, en fait, c'est leur festival. Il suffit qu'il y en ait un qui ne pourrait pas donner le coup de main. Ben, en fait, ça pourrait pas se faire ou ça se ferait pas aussi bien. Et c'est vraiment toute la philosophie du monde associatif finalement. Et la radio du Michel, on essaye aussi de mettre en avant ces bénévoles, de mettre aussi en avant les gens qui font le festival. Ah oui, oui, totalement, oui. Alors, ça intimide toujours. Tout le monde n'a pas forcément l'habitude de passer au micro d'une radio, mais c'est toujours sympathique aussi de voir et d'entendre surtout nos bénévoles qui, voilà, contribuent et vont parler de ce qu'ils font pour le festival et en fait qui se rendent même pas compte à quel point c'est important qu'ils le fassent. Et c'est quand ils en parlent qu'on se rend compte que c'est innocent, mais que c'est parce que tout le monde a fait quelque chose comme ça qu'on arrive à monter le truc. L'engagement de la jeunesse est un sujet qui vous touche également, Lynn Parent-Balto, avec la MEJE. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu les missions de la MEJE ? Alors, la MEJE, c'est la Maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes en territoire. Et sa mission, justement, résonne avec ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant, puisque l'objectif, c'est de fabriquer ensemble. Fabriquer avec les jeunes, fabriquer en intergénérationnel, fabriquer quel que soit le statut que l'on peut avoir, quelle que soit son identité. Toute personne peut participer à la Maison de l'engagement initiative des jeunes, et c'est effectivement pouvoir travailler la question de la citoyenneté. Donc il y a 5 piliers pour la Maison de l'engagement: la citoyenneté numérique, la citoyenneté environnementale, la citoyenneté européenne, citoyenneté et solidarité, et toute la citoyenneté par rapport à l'insertion. Donc la MEJE va accueillir le public, des jeunes, des étudiants, des stagiaires, des jeunes demandeurs d'emploi. Elle va les accueillir, les écouter, les réorienter vers des acteurs spécialisés, et puis elle va fabriquer avec eux des temps forts, de grosses fabriques sur la place, par exemple, de l'intelligence artificielle. Quelle est non pas la place de l'IA, mais la place de l'humain par rapport à l'IA. Voilà, on va peut-être orienter des débats, ou encore en direction des jeunes aidants, qui sont ces invisibles. Alors l'université a justement édité des supports pour que les jeunes aidants puissent bénéficier, en tout cas d'une reconnaissance, et que leur engagement au quotidien, qui, on le sait, pour un jeune aidant, ça peut être un engagement, un devoir, une nécessité en tant qu'aidant, ça peut être aussi par amour, mais en tous les cas, cet engagement, s'il apporte quelque chose, il apporte aussi des contraintes et peut être amené à modifier également, en tout cas atteindre la santé mentale des jeunes qui sont aidants, parce que justement, ils sont invisibles dans la plupart des cas. Donc la MEJE, voilà, effectivement, et qui depuis quelques années donc travaille en collaboration avec Radio Fadjet, et je pense notamment à un beau projet que l'on a pu porter cette année autour des promeneurs du net, notamment, où Fadjet a pu intervenir à quelques reprises. Est-ce que vous souhaitez nous parler de ce projet? Si vous me demandez aussi gentiment, Valentin, je ne vais pas pouvoir refuser. Donc les promeneurs du net, en fait, au niveau de la Maison de l'engagement initiative des jeunes, nous coordonnons le dispositif sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Ça représente 21 promeneurs du net qui sont tous des professionnels qui interviennent au sein d'associations d'éducation populaire ou de centres sociaux. Et donc les projets que nous avons menés ensemble, c'était particulièrement auprès des jeunes d'Habitat Jeune, du FJT Les Abeilles, avec qui nous avons monté 3 ateliers sur justement l'identification de l'engagement. Qu'est-ce que ça représente, l'engagement? Quels sont les freins? Quels sont les leviers? Est-ce que l'engagement est facteur d'insertion? Comment on peut mieux s'intégrer dans son quartier, dans sa commune, sur son territoire? Et puis également toute l'approche numérique sur les questions de prévention ou encore d'addiction aux écrans. Et avec Fadjet, en fait, pour clôturer le temps fort de l'année et de la campagne des promeneurs du net de Meurthe-et-Moselle, eh bien, nous avons réalisé un magazine avec les jeunes qui ont participé justement à ces ateliers pour qu'il y ait ce regard croisé professionnel jeune et qu'ils puissent, avec leurs mots, nous dire ce qu'ils ont pu retenir, en tout cas comment ils ont avancé par rapport à toutes ces thématiques sur l'engagement et l'initiative des jeunes et les réseaux sociaux. Un beau projet que l'on a pu concrétiser effectivement avec, donc vous le disiez, ces deux interventions à la fois sur la sensibilisation autour des fake news, comment vérifier une information, et puis donc l'enregistrement de cette émission au FJT des abeilles qui s'est fait en fin d'année. Donc c'est vraiment en plus un projet assez récent. Et que vous retrouvez en replay hein, pour bien tous les amateurs. Évidemment. Sans souci sur le site de la Mèche, www.jeunesenterritoire.fr. Évidemment. Alors, puisqu'on avance, en tout cas, hein, déjà 18h42, effectivement, j'aimerais vous demander, surtout à Christophe Chevardet et Hélène Boulanger, si vous avez peut-être votre meilleur souvenir, en tout cas l'un de vos meilleurs souvenirs liés à Radio Fadjet. Pierre Maffeis et Lynn Parambalto, si vous aussi vous souhaitez partager un moment qui vous a marqué lié à Radio Fadjet, n'hésitez pas. Je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir. On s'écoute un petit jingle pour vous laisser le temps de trouver ça. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Bon, je vous ai pris un petit peu comme ça, brûle pour point, mais quand je vous dis Fadjet, je suis sûr que vous avez des tas de souvenirs qui vous remontent instantanément à l'esprit. On l'a entendu avec Eyes of Tiger tout à l'heure, Christophe Chevardet, vous n'avez pas perdu de votre superbe depuis le temps. Un souvenir qui vous a particulièrement marqué de Fadjet? Alors, il y a des paroles d'outre-mur qui ont été exceptionnelles, des rencontres fortes. Un souvenir, on t'a dit. Il y a le fait de retrouver une étudiante de Trans-Europe Express. C'était une première émission sur l'actualité de l'Europe à la radio. Ah, ça va être vraiment dur. Plus personnellement, alors du coup, voilà. Mais c'était la première fois où on m'a confié les clés d'une émission d'une émission de santé. C'était à Carrefour Santé où on réunissait. Et ça rejoint un peu ce que Pierre. J'avais envie de réagir. Je vous entendais tout à l'heure, mais sur la citoyenneté à travers le coup dur qui est arrivé au Jardin de Michel. Toutes les radios sont associées. Elles ont dit c'est pas possible, on peut pas les lâcher. Et j'étais président de RCN à l'époque. Le directeur dit qu'est-ce qu'on fait. Je dis bah continuez, faites une émission quoi. Et moi, je tiens à saluer quand même l'élan de Radio Campus, de RCN, de Radio Déclic, de Fadjet, de Graffiti, de Saint-Dié et des Francas qui donnaient un coup de main cette année. Totalement. Sur l'édition, pour dire, je voulais toutes les citer, les radios, parce que c'est tout ensemble qu'elles ont voulu donner une énergie, pour donner une suite, parce que face au désarroi de cette inondation au bord de la Moselle, là, ils disaient, c'est pas possible, on doit continuer. Et cette mobilisation des partenaires avec vous qui n'avez pas lâché le truc, eh ben, ça a permis d'avancer, quoi. Et ça a permis que, je crois que s'il y a une suite, c'est parce que tout de suite, il y a pu aussi y avoir cet élan du cœur. On voyait sur les réseaux sociaux, ça réagissait. Et ben mon souvenir, il est autour de Carrefour Santé, où on a fait partager des émissions sur. C'était la première fois qu'on me confiait de l'animation. J'avais pas 18 ans. Hein. Et il y avait des jeunes qui témoignaient sur leur dépendance. Je sais pas ce que c'est. Je sais d'ailleurs toujours pas trop ce que c'est cette dépendance à la drogue, pas du tout même. Et donc je sais pas. Je débarquais dans un truc où il fallait que j'en parle et il fallait que j'interroge. Et j'étais face à une autre réalité ça m'a fait faire un pas complètement de côté dans ma vie par rapport à essayer de comprendre, de donner la parole, de laisser les gens s'exprimer. Et ça, c'était une belle découverte. Et je crois que ouais, mon souvenir, c'est tant de partage où les gens donnent quelque chose d'eux pour qu'on puisse avancer ensemble. Beau souvenir. Hélène Boulanger, votre plus beau souvenir ou l'un de vos plus beaux souvenirs? Beaux souvenirs. Parmi d'autres. Alors mon plus beau souvenir de Fadjet à cette époque, c'était le moment des 25 ans. J'ai eu un peu de mal hein, quand j'ai vu que Fadjet fêtait ses 40 ans, puisque j'ai l'impression que les 25 ans, c'était avant-hier, quasiment. Enfin, bon, ici, il est passé de l'eau sous les ponts. En fait, Fadjet, on est émerveillé quand on voit pratiquement chaque personne passer la porte, quand on voit chaque projet d'émission avec des associations de quartier, avec des individus, des collectifs, des groupes d'étudiants, des groupes enfin, voilà, qui viennent d'un peu partout, qui se retrouvent à cet endroit-là, mais j'ai déjà dit tout à l'heure. La période, enfin la célébration d'un anniversaire de Fadjet, ça permet de se rendre compte qu'en fait, il y a l'instant dans lequel on est, où tout le monde se retrouve dans ce projet-là, mais cet instant, il est pris dans une trajectoire du temps, et le moment de l'anniversaire, on s'aperçoit qu'en fait, on n'invente rien, qu'on est juste la suite d'un projet, et l'avant de ce qui va suivre. Et c'est typiquement ce qui est en train de se passer là, en ce moment, pour les 40 ans. Hein, il y a quelques photos qui font mal là dans le hein, quelques photos qui font très très mal, mais ceci étant mis de côté, on voit bien cette trajectoire, on voit bien la cohérence, la continuité dans l'engagement, la continuité de ce que ça réalise, et voilà, ces moments d'anniversaire sont pour moi extrêmement précieux, en dehors du fait que ça vous a empêché de dormir cette nuit. Non, on le fait avec plaisir. Compris, avec grand plaisir. Donc voilà, c'est un super moment de souvenir pour moi. Donc l'anniversaire de nos 25 ans, et effectivement on en discutait aussi déjà hier pour l'émission de lancement, puisqu'on avait eu l'occasion de recevoir Cécile qui s'était beaucoup chargée de l'organisation de cet anniversaire et qui en gardait un excellent souvenir également, et je pense que tous ceux qui participent à cet anniversaire aujourd'hui, hier et demain en garderont un très bon souvenir aussi. C'est quand même plus de 60 bénévoles hein, qui se mobilisent pour ces 40 heures de direct. Et encore une fois, un grand merci à eux. Pierre Maffeis, est-ce que vous avez un souvenir, un très bon souvenir avec Fadjet? Bon, j'en ai plein, et qui sont vraiment liés à la radio du Michel, mais là, je pense que je suis en train de construire un souvenir, justement, avec Fadjet. C'est la première fois que je viens, finalement, dans vos studios. Hein. C'était toujours par téléphone ou bien sur le festival. Et je pense que oui, voilà, je suis en train de construire mon super souvenir de la radio. Eh ben, ça fait très plaisir. Lynn Parent-Balto, un souvenir avec Radio Fadjet. Alors, il y en a beaucoup, mais moi, je me souviens d'avoir fait mes premières armes avec Fadjet, d'être arrivée en même temps, même que Fabienne, la directrice, Fabienne Marchal. Et effectivement, on me confiait des interventions assez courtes. Et j'avais même réalisé un jingle. Un jingle, ça donnait, attention, ne riez pas, ça donnait flashé utile. Et là, paf, on partait sur une information dédiée aux jeunes. Et puis, ce que je voudrais dire, moi, par rapport à Radio Fadjet, c'est qu'une radio, c'est des personnes qui l'écoutent, mais c'est aussi des personnes qui se sentent écoutées, qui se sentent entendues au bout du fil de la radio, au bout des ondes. Et pour moi, c'est encore plus fort lorsque je vous dis avec beaucoup d'émotion, c'est aussi le public se sent attendu. Alors souvent, quand on dit une radio, c'est quelque chose de descendant. Ça part de l'antenne et on a l'émission. Mais en fait, quand on est auditeur, on est attendu par la radio. Parce que si on ne vient pas, ben, on émet tout seul. Et je crois que c'est cette notion-là, pour briser la solitude et renforcer le lien social. C'est en fait, quand j'écoute la radio, au fond de moi-même, je me dis, mais je suis attendu par celui qui produit cette émission et ce magazine. Donc, hop, j'y vais et j'en profite. Et nul doute que eh bien, c'est peut-être le beau souvenir de nos auditeurs aujourd'hui, voilà, qui finalement nous reçoivent, nous écoutent et sont, ils l'ignorent encore, mais des futurs bénévoles de Radio Fadjet, car bien sûr, la radio est ouverte à toutes et tous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il nous reste quelques minutes et alors Aurélie, qui a fait l'ouverture hier de ses 40 heures, s'est lancée dans un pari fou de se donner rendez-vous dans 40 ans, pour les 80 ans de la radio, pour faire 80 heures de direct à ce moment-là, évidemment. Évidemment, vous prenez tous rendez-vous pour revenir dans 40 ans à Fadjet, bien sûr. Oui. Vous aurez un studio mobile. J'espère. Pour aller en EHPAD ou... Faire installer un petit siège, là, pour monter les escaliers. On y réfléchit. Mais moi, j'ai une question pour conclure. C'est finalement, qu'est-ce que vous souhaitez pour Fadjet, pour le futur de Radio Fadjet? Voilà, un vœu peut-être chacun pour l'avenir de Radio Fadjet. Hélène Hélène Boulanger, j'ai envie de commencer avec vous. Tout simplement que le projet se continue, que la radio continue à être soutenue, qu'on continue à accueillir des jeunes, qu'on continue à les accompagner dans la réalisation de leur désir, de leur envie, de ce qu'ils ont envie de porter. Ça serait juste magique déjà, rien que ça, ça serait super. Christophe Chevardet, le vœu pour l'avenir de Radio Fadjet. Je ne vais pas être différent d'Hélène, mais c'est que la jeunesse poursuive son œuvre dans cette radio. La radio évolue par le projet porté par les jeunes. Et je crois que donc ça rejoint complètement ce que dit Hélène, c'est-à-dire que le projet continue, mais qui continue avec l'énergie de cette jeunesse qui saura faire adapter l'outil, les moyens d'entrer en communication, d'être entendu et attendu, comme le disait Hélène aussi, parce que ça me semble important. Je pense à des visages comme Marie-Claude Vivier, qui était la directrice qui attendait, accueillait les animateurs pour faire émerger un projet. Elle attendait des fois pour nous engueuler, parce qu'on avait fait, on avait trop rigolé à l'antenne, on n'avait pas été assez à l'écoute. Mais en même temps, c'était pour faire émerger. Donc, ce que je souhaite à la radio, c'est qu'elle puisse toujours faire émerger l'énorme potentialité de l'élan de la jeunesse aujourd'hui. Pierre Maffei, c'est un vœu pour Radio Fadjet. Oui, ça reprend un peu aussi les éléments qui ont été dits, et je pense que ça se rejoint dans tout le monde associatif, c'est de garder le dynamisme, savoir s'adapter, de toujours être soutenu, hein, parce que c'est sûr, hein, le monde associatif, comme on l'a dit, c'est forcément soutenu par sa société, et voilà, je pense que c'est le plus beau vœu de se dire voilà, que ça continue. Lynn Baron-Malto, pour conclure, un vœu pour Radio Fadjet. De toutes ces belles fabriques ensemble que Fadjet monte, au rythme et au fil du temps et au rythme de la vie de la société, à la fois pour être agitateur, à la fois pour être révélateur, à la fois pour valoriser les acteurs sur les territoires, et qu'on puisse tous en profiter en tant qu'auditeurs. Eh bien, merci pour ces beaux vœux et merci à vous quatre d'être venus participer à cette émission et à cet anniversaire des 40 ans de Radio Fadjet. Hélène Boulanger, présidente de Radio Fadjet, ancienne présidente de Radio Fadjet et actuelle présidente de l'Université de Lorraine. Christophe Chevardet, ancien président de Radio Fadjet. Pierre Maffeis, président du Jardin du Michel. Hélène Parent-Balto, membre de la MEJ Nancy. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. On donne donc rendez-vous pour le prochain anniversaire de Fadjet, et avant aussi, je l'espère. Et bon courage Valentin pour la poursuite du challenge. Merci. Merci, au revoir Valentin. Merci effectivement. La poursuite du challenge, car nous ne sommes qu'à la 23e heure de ces 40 heures. On a fait un peu plus que la moitié, mais il reste encore 17 heures à votre compagnie. Dans quelques instants, on aura le plaisir. Mais oui, on aura le plaisir d'avoir Dr Disco et Mr Funk. Et puis à 20h, un beau rendez-vous, puisque nous aurons Guy Lescane pour une émission, une heure avec, où il reçoit également l'un des cofondateurs de Radio Fadjet, une heure où on va donc pouvoir reparler un petit peu de l'histoire de la radio. Vous retrouverez à 21h la musique dans le temps, puis 2h de EDM Fadjet. Alors là, on va être dans une catégorie de musique peut-être un peu dans votre limite, Hélène Boulanger. Et ensuite, on enchaîne sur Davy avec Club Sensation et Transpassion jusqu'à 3h du matin. Là, on va être un petit peu hors limite, effectivement. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 3h pour le deuxième créneau nocturne de ces 40 heures, où on aura plein de bénévoles aussi qui viennent nous partager un petit peu leurs expériences, et ils nous ont préparé des petits quiz aussi pour nous occuper tout au long de la nuit. Et puis ensuite, Benoît reviendra avec la matinale Académie. On aura la matinale de 7h à 9h dimanche matin, puis la voisinade à partir de 9h, Conso Mania à partir de 10h, et enfin Aurélie reprendra l'antenne de 10h30 jusqu'à midi pour la conclusion de ces 40 heures. Voilà à peu près ce qui vous attend pour la seconde partie de ces 40 heures. Encore merci à nos quatre invités d'avoir joué le jeu et d'avoir fêté cet anniversaire avec nous. On se quitte avec Lisa Born Again, et juste après c'est Dr Disco et Mr Funk. Passez un bel anniversaire sur Fadjet, et on revient très vite.